Je vais pas te promettre la lune parce qu'elle brille moins que toi. Et même si je perds la vue, je retrouverai le chemin de tes bras. Quand dehors tout va mal et tous les autres veulent me voir à terre, suffit d'un sourire et je me dis que la vie est parfaite. C'était pas le chemin le plus court pour être heureux. Mais aujourd'hui nos petits cœurs font coller serré. Je peux pas regarder derrière si t'es devant, non. J'ai mis le temps à venir mais là c'est pour de bon, c'est pour de bon. Tu m'as dit je t'aime, aime-moi. Je t'ai répondu attends deux secondes, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Tu m'as dit je t'aime, aime-moi. Je t'ai répondu attends deux secondes, j'ai besoin d'un peu plus de temps. J'étais dans la peau comme une maladie, on se retrouvera, je te l'avais dit. J'étais dans la peau comme une maladie, et sans toi j'ai trop de mal à vivre. J'étais dans la peau comme une maladie, on se retrouvera, je te l'avais dit. J'étais dans la peau comme une maladie, et sans toi j'ai trop de mal à vivre. J'étais dans la peau comme une maladie, entre hier et maintenant je vois la diff. Et si je pouvais refaire l'histoire, j'épargnerais un peu plus ton cœur, je t'offrirais un peu plus de fleurs. Et à chaque fois que je me demande si j'ai fait le bon choix, je remercie l'Ouest West parce qu'il me rappelle à quel point t'es la seule. Donc je remercie le ciel. On a failli se cracher quand nos étoiles se sont croisées. Aujourd'hui ton cœur c'est ma maison, mon cœur c'est ta maison. L'amour avait raison. Tu m'as dit je t'aime, aime-moi. Je t'ai répondu attends deux secondes, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Tu m'as dit je t'aime, aime-moi. Je t'ai répondu attends deux secondes, j'ai besoin d'un peu plus de temps. J'étais dans la peau comme une maladie, on se retrouvera, je te l'avais dit. J'étais dans la peau comme une maladie, et sans toi j'ai trop de mal à vivre.